amis. Salut, Charlie. Alors aujourd'hui, attention, nous avons un intellectuel qui parle de culture. Oh là là, Alex pourrait peut-être prendre une RTT. Pardon ? Non, Alex a un avis. Bah oui, comme sur pas mal de choses, oui. Et il pourra le donner quand je lui donnerai la parole. Ah, c'est seulement quand tu... Oui, seulement, oui. Jérôme Clément sera sans doute très content de l'écouter. Ou plutôt de l'entendre. Ce sera déjà bien. Salut les amis. Isabelle, on est sauvés. Bah pourquoi ça ? On a quelqu'un qui va pouvoir élever le débat un peu. Oui, je peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Mais alors, on a un spécialiste des politiques culturelles, Isabelle. Ah, très bien, j'avais peur que ce soit un sujet compliqué. Donc, Isabelle, tu n'hésites pas à m'interrompre n'importe quand. Ok, ok. Ah, parce qu'elle est le bon. T'inquiète pas, vis-à-vis de la culture, j'ai une dialectique qui, je crois, transcende les codes du raisonnement linéaire. Pardon ? Isabelle va très bien faire ça. Mais vous n'avez rien compris, quoi. T'es déjà très intelligent, ce qu'elle a dit. Alex, je te sens irrité par une pulsion qui entrave nos interactions. Pourquoi tu mets que des mots compliqués ? Excuse-moi d'utiliser une large palette de vocabulaire. Pour faire simple, j'ai l'impression que tu entretiens une angoisse relationnelle qui mine ton surmoi. C'est vrai. Ah ouais, tu peux pas faire simple, quoi. Très bien, je vais faire simple. Alex, oui, tu me casses les couilles. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui est en marche vers l'actualité. Et voici les trois informations qui vont déplacer les clivages, abattre les barrières, parce qu'elles sont au-dessus de tout ça, les actualités, jusqu'à 18h. Des noms d'artistes apparaissent dans les papiers du Panama, quand ce n'est pas les objets d'art qui permettent de planquer le pactole. L'art aussi a une odeur. Ça sent la fraude fiscale. À quoi tu sens ça ? L'épaisseur de la moquette. Les Pays-Bas ont dit non à un accord européen avec l'Ukraine, alors que les Britanniques menacent de larguer les amarres. Comment croire encore en l'Europe ? Il nous faut un coach. Autant vous dire qu'il est hors de question que les Allemands viennent à nouveau envahir notre territoire. Le ministère de la Santé souhaite l'interdiction des recettes pompettes. C'est un programme qui n'a pas encore été diffusé, qui devrait l'être bientôt sur Internet. Les autorités ont peur que la recette se termine mal. Hey, t'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui cuisine ses blagues au Thermomix. Il met tout dans un grand bol, il appuie sur le bouton et puis récupère. C'est Alex Vizorek. C'est à peu près ça. Bonjour Charline Valouna, 15 ans, forme le vendredi. Allez, je vous ai quand même concocté une belle équipe que je mets exactement dans le même mixeur. 17h20, c'est la championne de France de lancer du disque. Et ceux qu'elle lance le plus loin, ce sont en général mes disques préférés. Bonjour Mélanie Bauer. Ah, c'était bon ça. Oui, ben, je sais. Aujourd'hui arrive. Aujourd'hui, c'est une souris qui nous vient des États-Unis, c'est pas Mickey. Suspense. 17h30, cet homme sait tout sur pas grand-chose, mais surtout il sait pas grand-chose sur à peu près tout, et comme nous on n'y connaît rien sur rien, on l'a déclaré savant. Bonjour Marius Colucci. Oui, bonjour, et aujourd'hui voilà, je vais vous parler un petit peu de Michel-Ange et de la mémoire de la culture populaire. Très bien, 17h40, l'oiseau de cette émission, car elle nous survole tous de très haut et nous observe, et de temps en temps elle nous fait tomber sur la tête une partie de ses réflexions. Bonjour Alex. Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour Charlie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Bouche de cendre d'Alvaro Escobar Molina. Et 17h55, il sera là. Évidemment, sa guitare est prête. Didier Super lui a mis la barre haute, mais il va faire mieux, je le sens. C'est Frédéric Fromet qui viendra chanter. Et le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous Charles de Gaulle. Vous sortez diplômé de l'ENA en 72, quand sort Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Vous dirigez Arte pendant 20 ans, à partir de 89, quand s'achève Le grand échiquier. Mais quand démarrent les feux de l'amour. Vous êtes nommé président de la Fondation Alliance Française en 2014, quand Montebourg, tel Saint Silatus, retourne à ses champs et à ses charrues à Los Angeles avec Aurélie Filippetti. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Jérôme Clément. Oh, c'est Jérôme Clément, dis donc. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oui, l'homme de télé a une voix de radio, Jérôme Clément. J'adore la radio. Nous aussi. Ça fait déjà un point commun, ça commence très très bien. Jérôme Clément, vous publiez L'urgence culturelle, c'est paru chez Grasset. Vous racontez notamment votre expérience et votre vision de la culture, l'entrelac aussi politique. Et justement, la culture, c'est politique. Ça ne l'a pas toujours été. Il y a un moment dans le livre où vous datez, un moment précis où le mot culture est devenu politique. On a longtemps parlé des beaux-arts, pendant très longtemps, le mot culture n'existait pas, c'était le théâtre, la peinture, la sculpture, les jardins, parce que elle est illustrée par Louis XIV en particulier, et puis ça, tout le XIXe siècle a été autour de ça. Les monuments historiques, la protection aussi des monuments, du patrimoine. Et en fait, l'idée de culture, elle apparaît au XXe siècle, à peu près sous le Front populaire. Au moment où il y a la jonction entre tout ce qui était la protection, les beaux-arts, la création, et la culture populaire. Peuple et culture, et puis un grand mouvement qui s'est développé après la guerre, et qui a donné notamment lieu à ce qu'a fait Jean Villard, avec le Théâtre National Populaire, tout ce qui a été lancé à ce moment-là, notamment les mouvements associatifs. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut parler de culture. Notamment les MJC, c'est ça, les oui, maisons des jeunes et de la culture. Les maisons de la culture, ensuite que Malraux a créé. Enfin, voilà, l'idée des musées, même des musées populaires. Et puis, naturellement, le développement des loisirs, tel qu'il est apparu avec les congés payés, a donné lieu à un vaste besoin d'occuper tout ce temps libre. Et l'idée du temps libre, elle est très liée à l'éducation populaire, à la culture, et au fait que, après tout, on n'est pas fait uniquement pour travailler, on est fait aussi pour se distraire. Et dans la distraction, il y a la culture. Donc, pour qu'elle soit démocratique, elle est forcément politique, la culture. C'est un vrai problème, en fait, de savoir à quoi sert un projet politique. Il ne s'agit pas seulement de régler, c'est un peu le sens de tout ce que j'écris, l'économie, la finance, etc., ou les problèmes de sécurité. C'est aussi d'avoir une vision du monde, enfin, faire rêver, quoi. Le rêve d'un monde meilleur, c'est ça, quand même, un projet politique. Et d'un monde meilleur sans culture, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, l'essentiel, il est là, et de savoir quelles sont les priorités. Qu'est-ce qu'on veut faire, finalement, de tout notre temps? Je parlais tout à l'heure du temps libre. C'est vrai que l'idée du temps libre, il y a même eu un ministère du temps libre en 1981. Tout à l'heure, vous faisiez des références et des rapprochements. Le ministère du temps libre... C'était flatteur d'être ministre du temps libre, j'imagine. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. C'était André Henry, il est resté quelques mois, puis on s'était aperçu que c'était un peu dangereux. C'est Arnaud Montebourg aujourd'hui, non? Isabelle Sorrente, il y a un aspect dans le livre de Jérôme Clément qui m'a fasciné. Il y a cet aspect sur l'accélération, parce que vous parlez d'ailleurs, vous citez Hartmut Rosa qui a écrit cet essai sur l'accélération, et vous dites que la culture, alors justement par rapport au titre, l'urgence culturelle, elle se situe en dehors de ce temps de la vitesse, de ce temps de, je dirais, de la performance économique qui nous aliène tous. C'est ça, comment vous, du coup, le temps de la culture pour vous, ce serait l'éternité ou le long terme? Mais c'est le temps du rêve, c'est le temps de l'imaginaire. On a besoin d'avoir du temps qui n'est pas comprimé par en permanence une montre, un ordinateur, un téléphone portable ou autre. On a besoin de ne pas compter son temps. Quand on lit, quand on rêve, quand on écoute de la musique, quand on bavarde, on ne compte pas le temps. Or, le temps qu'on nous impose est un temps maintenant qui est très encadré. Et d'ailleurs, les discussions sur les 35 heures, les 37 heures, les 39 heures, etc., la productivité, moi, ça m'assomme, quoi. J'ai pas envie de ça. Et on parle même beaucoup plus vite qu'autrefois. J'avais lu d'ailleurs dans l'essai de Accélération qu'on parle 15 fois plus vite que dans les années, même à la radio, pas seulement à la télé. Ça, chez nous, c'est étonnant, parce que ça nous arrive assez peu de parler vite. Ça doit être ailleurs, je ne vois pas. On s'efforce de ralentir. Non, mais c'est bien déjà parce qu'on peut terminer ses phrases ici, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est que le vendredi. Hein. C'est parce que vous êtes l'invité. Vous trouvez qu'on manque de culture ou qu'on n'en a pas assez le goût aujourd'hui? Ou qu'on n'en donne pas assez le goût? Ah, moi, je trouve qu'il y a une grande vitalité culturelle dans le pays. Quand même. Bien sûr. La culture n'est pas en danger. Il y a un appétit. Votre livre, c'est l'urgence culturelle, malgré. Ouais, il y a un appétit pour le cinéma, pour la lecture. Les libraires se portent bien. L'édition aussi. La musique, les théâtres, il y a du monde. Enfin bon. Les attentats ont un peu freiné tout ça. Mais malgré tout, l'appétit est très fort. C'est pas ça qui est en cause. C'est le lien, justement, avec les priorités qu'on s'accorde, et notamment que les politiques sont chargés d'accorder. Moi, je pense que il y a eu une époque où le projet politique était culturel. C'est-à-dire François Mitterrand qui disait le socialisme est d'abord un projet culturel. Et bon, c'est pas seulement à gauche, d'ailleurs à droite aussi. C'est vrai que De Gaulle avait fait de Malraux un grand ministre d'État chargé de la culture. Bon, je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à mettre ça sous le boisseau et à ne parler plus que de problèmes économiques, financiers, sécuritaires qui sont importants, mais ça suffit pas. Et voilà. Là, au bout de la phrase de Jérôme Clément, nous, quand on coupe la parole, c'est juste par de la musique, Jérôme Clément. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h. L'urgence culturelle, c'est paru chez Grasset, et on va en reparler parce qu'on a des sujets culture à vous soumettre. Let's go out in a Inter. Coldplay, Rhythms del Mundo, chante Clocks. Y estamos con Jérôme Clément, qui a écrit vidéo L'urgencia cultural chez Grasset. L'urgence culturelle chez Grasset, parce que Jérôme Clément n'est pas que franco-allemand de cœur. nous sommes, c'est l'international aujourd'hui. C'est l'international. Pas nécessité. Que vous voulez savoir qui est autour de la table? Mais par exemple, je sentais que vous alliez me le demander. Eh bien, il y a Mélanie Bauer, il y a Marius Colucci et il y a Isabelle Sorrente par ordre d'apparition et non de préférence parce que je les aime tous. Oh. Et Jérôme Clément, nous allons nous informer avec une rigueur toute germanique, hein, vous allez l'entendre. Oh là là. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Une délégation de parlementaires français s'est rendue ce matin à Molenbeek. Ah ben j'espère qu'il n'y en a pas un qui a été perdu du parce que quand on se perd à Molenbeek, on ne retrouve pas facilement les gens. L'émission web Recettes Pompettes où des célébrités cuisinent en état d'ébriété est en passe d'être interdite par le ministère de la Santé. Voilà, hier c'était Renaud, l'invité du 20h de TF1. Et des brèves. Oui, pour passer un bon week-end. Et on commence avec le député Les Républicains, Jérôme Larrivé. Oui, dont je rêve qu'il s'inscrive au mouvement d'Emmanuel Macron, Larrivé en marche. Merci. Voilà. Et Jérôme Larrivé s'est écharpé avec l'ancien maire d'Argenteuil en disant que sa ville était comparable à Molenbeek. Ah, quand même. Ah bah ouais, mais bon, l'autre l'a après traité de facho. Bien sûr. Et donc, à l'interview qui a suivi, Jérôme a une solution pour régler ce problème. À une autre époque, j'aurais proposé à ce député... assez obscur d'ailleurs, je leur ai proposé un duel. Mais j'ai fait beaucoup d'escrime à l'époque de Sciences Po il y a une vingtaine d'années. Et oui, à Sciences Po, on est prévoyant, on apprend des trucs qui pourraient servir. Et c'est pas entièrement idiot. Si les conflits entre politiques se réglaient tous par des duels, on verrait beaucoup plus rapidement sortir des nouvelles générations. C'est vrai qu'au 21e siècle, t'as pas l'air con avec ton épée. Ils en savent quelque chose à l'académie et à Polytechnique. Ouais, en tout cas, à la primaire à droite, il y aurait eu soit de Copé, soit de Fillon, mais pas les deux, si le duel avait existé. Parlant de Molenbeek. Oui, des parlementaires français se sont rendus ce matin à Molenbeek. Alors d'abord, je me suis dit, tiens, Patrick Balkany essaye d'y retourner pour raviver le jumelage avec le Valois-Perret. Ah, c'était pas ça? Non, c'était pas ça, parce qu'il est déjà sur un autre dossier de jumelage avec Panama City, là, et ça avance pas mal. Et donc, la visite à Molenbeek en tant que... Oui. Alors, les parlementaires ont passé une heure entière à Molenbeek. Bah, juste le temps de pouvoir dire, je connais hyper bien Molenbeek, je suis allé, j'ai pu échanger avec la population, j'ai passé un long moment. Mais une heure, c'est peut-être long pour eux. Oui, c'est vrai, par rapport au temps qu'ils passent en séance parlementaire, c'est vrai qu'une heure, c'est relativement long. Mais tant que Bernard-Henri Lévy ne s'y rend pas à Molenbeek. C'est bon signe, on ne peut pas encore considérer que c'est une région en guerre. Donc, exactement. Voilà. Passons à Emmanuel Macron. Oui, et on a le nom de ses premiers soutiens. Oui. Attention, Thierry Marx. Oui, ça sonne bien. Marx est avec Macron. Voilà. Également Marc Simoncini, le fondateur de Mythique. Ah bah, tu m'étonnes, il va créer un site de rencontre pour que les femmes de droite puissent rencontrer les hommes de gauche et l'inverse. Et en revanche, Mediapart a fait une découverte. Oui, le siège de En Marche serait le domicile privé du directeur de l'un des principaux clubs patronaux. Ça, c'est pas bien. Hein. Si, c'est bien. Il a déjà viré un patron de son logement. Camarade Manu est en marche. Média à présent, avec l'État qui freine, voire interdit l'émission Recette Pompette, car elle inciterait à la consommation d'alcool. Ouais, mais l'État, ce sont donc les gens qui s'enrichissent énormément en vendant des cigarettes au peuple. Oui, oui, c'est ça. Mais non, c'est tout. Voilà. T'avoue. Justice. Pour le Conseil des Prud'hommes de Paris, traiter un coiffeur de PD n'est pas une insulte homophobe. Ah, oui, ça, bah, du coup, si on traite un homosexuel qui ne travaille pas dans le cheveu de coiffeur, c'est condamnable. Et la brève ? Oui, j'adore, elle est super la brève. Jura, ivre sur son scooter, il dit boire car il se fait du souci pour l'état de santé de Johnny Hallyday. Un quadragénaire a été interpellé au guidon de son scooter avec une alcoolémie de plus de 2 grammes par litre de sang, soit près de 5 fois au-dessus de la limite autorisée. Devant le tribunal, l'homme de 44 ans a expliqué boire parce qu'il est inquiet pour son idole. Voilà, et puis il est allé dormir parce que c'est aussi un fan de Michael Schumacher. Nous sommes sur France Inter en compagnie de Jérôme Clément qui publie L'urgence culturelle chez Grasset, un essai sur la culture, sa vision, ses relations avec le politique, ses ambitions. Oui, d'ailleurs, ce livre, je me suis dit, tiens, ça fait un petit peu coucou, je suis disponible. Non ? Pour être ministre de la culture. Ah non, ah non, pas du non, tout. Non, c'est vrai ? Non, ah bon. Mais si on vous le demandait. Hein ? Pas du tout. Si on insistait, si on vous dit c'est. Vous dites, je suis un peu le pouli d'or, on a déjà pensé à vous plein de fois pour la culture. Ça fait 30 fois, ça fait 30 ans qu'on me dit donc ça. Ah oui, vous êtes pas regardant, quoi. Ça fait 30 ans qu'on me dit ça, alors vous savez, maintenant, j'ai pris l'habitude. Bon, écoutez, on va aborder le. Oui, c'est ça. Le premier sujet avec vous, le montage fiscal atteint des sommets de sophistication. Est-ce qu'il ne confine pas à l'art, n'est-ce pas ? Parce que quand l'évasion consiste à planquer aussi des œuvres d'art dans des zones hors douane à Genève, au Luxembourg ou à Singapour, tout ça pour maintenir un certain train de vie. Et ta connerie de piscine ? Tu veux que je sorte des factures ? Une piscine à l'eau de mer, avec des rochers. Une machine à faire la tempête et le fardeau est sans réduction. Tout ça à Saint-Trope. Saint-Brie ! Nous, on va aux bains douches à Dibal. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ? Bon baiser et à lundi. C'est Audiard qui le dit. Alors, dans Marianne, cette semaine, tiens, on nous explique que le marché de l'art, conjugué à l'art des ports francs, pour faire disparaître des milliards sans laisser aucune trace. Donc un port franc permet d'entreposer des toiles sur une très longue durée sans qu'il soit possible de retrouver leurs traces. Alors Jérôme Clément, je me demandais, quand l'art est juste un outil qui permet de s'enrichir sans laisser de traces et donc de pas de dissimuler des milliards aux yeux de l'État, alors vous, en lisant votre essai culturel, L'urgence culturelle, j'imagine que ça vous atterre, que vous avez un avis là-dessus. C'est l'art utilitaire dans sa pire acception. Il y a toujours eu des liens étroits entre l'art et l'argent. Et d'ailleurs, les tableaux, le marché de l'art on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau, est un moyen de recyclage de l'argent qui est très, très connu, quoi. Et par tous ces systèmes, justement, de sociétés offshore qui sont maintenant mises au jour, et des ports francs, notamment celui de Genève, en ce qui concerne, il y en a un autre à Singapour et dans d'autres endroits de cette nature, il y a beaucoup d'argent qui circule, qui est réinvesti, on fait monter le marché de l'art artificiellement et on revend, quoi. Tout ça est connu. C'est un grand lieu de circulation, de recyclage d'argent pour des marchandises dont on ne sait pas vraiment le prix, qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Il y a une spéculation sur l'art comme il y en a sur d'autres choses. Alors tout ça apparaît maintenant. Ça nous choque évidemment parce qu'il s'agit de beauté, il s'agit d'objets D'esprit en fait. L'art, il s'agit d'esprit. Oui, tout le monde est faillible, les artistes comme les autres. Enfin, ce n'est pas les artistes dans le cas particulier, c'est ceux qui font circuler leurs œuvres. Ou alors les héritiers, parce qu'apparemment la famille Picasso est dans la liste des papiers du Panama et d'autres. Les amis Picasso, elles sont très nombreuses, donc il y a quelques brebis galeuses comme tout le monde dans toutes les familles. Voilà, on ne veut pas les accuser tous globalement, mais c'est vrai que le marché de l'art, moi j'ai présidé une maison de vente pendant quelques années, Piazza, et j'ai pu voir à quel point dans tous les circuits de financement, on a parlé à un moment des commissionnaires de Drouot, etc., il y a des petits trafics et des grands trafics. Et c'est vrai qu'en Russie, en Chine, aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent qui a circulé et qui est passé par là, et c'est ce qu'on découvre maintenant. Mais pour ce qui en est de l'art moderne, il en va quasi de sa vitalité, qu'il y ait beaucoup d'argent qui circule, que les artistes puissent créer des choses, que les entreprises les soutiennent, là on est aussi dans un espèce de dualité. Ouais. Ouais, mais comme toujours, c'est un monde d'inégalité. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font des choses magnifiques et qui n'ont pas accès au marché, donc qui vivent de rien, et qui parfois sont découverts après leur mort. Enfin, c'était le cas de Van Gogh, pour parler du plus célèbre. Et puis il y a ceux dont le talent artistique, ça, c'est difficile de juger, d'apprécier, c'est très subjectif, et puis dont la cote monte, parce qu'ils font l'objet de spéculations, qui sont soutenus par des marchands, etc. Qui ne sont pas vrais, d'ailleurs. Ouais, donc c'est un monde d'inégalité. Quand ça soustrait des milliards à l'État, c'est aussi des aides culturelles. C'est de l'argent qui n'est pas là pour les aides culturelles. Oui, bien sûr. C'est retiré du circuit qui devrait normalement alimenter tous ceux qui fabriquent, qui créent, qui en ont besoin et qui font que la création artistique est vivante. Donc c'est dans ce secteur-là comme dans le reste. Il y a de tout, il y a des brebis galeuses, il y a de l'argent détourné et puis il y a des gens qui meurent de faim. Donc voilà, ces inégalités, elles sont encore plus choquantes du fait de la mondialisation et de la sophistication des moyens d'évasion fiscale. Mélanie Bauer, restons dans la culture musicale. Et pourquoi les gens ne veulent pas payer leurs impôts? C'est ridicule. Franchement. Si tu comme vous. Alors, on a la solution, c'est bon. Allez, on arrête tout. Mais oui, non, mais c'est vrai, c'est idiot. Pourquoi? Bon, les gens qui suivent mes chroniques, je peux commencer par une triste nouvelle. Oui. Vous vous souvenez du DJ culte de dancehall, de reggae de Bristol, qui avait plus de 70 ans et qui manquait des dents, tout ça. DJ Derek, qui avait disparu du jour au lendemain de chez lui. Oui, et ça y est, on l'a retrouvé. Ah, il n'était plus très vivant. C'est sordide. L'a retrouvé donc dans les environs de sa ville, Bristol. Sa famille lui rendra hommage, un hommage musical le 22 avril prochain. Donc si vous êtes des fans de reggae et de dancehall, c'est The Place to Be. Il y aura un grand sound system d'adieu pour cette star donc, du reggae. Un sound system d'adieu, moi je veux ça pour mes hommes. Autre info. Tout, un truc super quoi. On s'éclate quoi. Retour sur une autre de mes chroniques. Vous vous souvenez du punk chinois? C'était une commande d'ailleurs. Vous faites le droit de suite de toute votre chronique. Exactement. Là. D'accord. Allons-y. Service après-vente. Ah. Bonjour. Un des groupes dont je vous parlais la dernière fois, Démérite. Ils sont ce soir en concert. Mais oui, on s'en souvient. Mais évidemment. À Paris. Ah. C'est au Cirque Électrique et c'est une bonne sortie pour un vendredi soir. Ah oui. Hein? Oui. C'est aussi pour les enterrements, c'est parfait. Ça apaise. Très énervé, c'est quand même. Voilà, donc c'était important quand même que vous le sachiez. Mais bien sûr. Soir, je voulais vous parler d'autre chose parce qu'il n'y a pas que la peinture impressionniste et les punks chinois dans la vie. Il y a aussi les souris dangereuses. La souris qui fait trembler les charts du monde entier, c'est Danger Mouse, un garçon qui s'appelle en réalité Brian Burton, qui a à peine 40 ans et qui a secoué le monde de la musique du nouveau siècle. Il est américain, il a fait ses débuts avec les rappeurs d'Outkast. Après, il est parti en Angleterre pour devenir une star. Bon, finalement, il a travaillé dans un pub. Son premier gros coup, il le fait en 2004, un truc de gangster, The Grey Album, qui mêle les a cappella des chansons du Black Album de Jay-Z. Jay-Z, vous savez, la star américaine, avec des chansons extraites de l'album blanc des Beatles, le disque noir. Le disque blanc, ça fait le disque gris. Alors, il n'a évidemment pas les droits pour faire ça, c'est un scandale. Et il publie cette bombe sur le net qui devient très, très, très. Qui a un gros succès. EMI n'est pas d'accord. C'est finalement les fans qui arriveront à imposer ce disque sur Internet. Le 24 février 2004, ce sera le Grey Tuesday, une journée entière durant laquelle les extraits du Grey Album sont disponibles gratuitement sur le web en guise de protestation contre EMI, la méchante maison de disques. C'est un très très beau disque, ce premier hold-up de Danger Mouse. On écoute un extrait. C'est facile de faire des tubes avec les Beatles quand même. Je vous invite à regarder ce clip sur internet qui est vraiment très très bien fichu, où on voit les Beatles, on entend la foule qui crie et puis la réaction des gens avec ce rappeur noir qui arrive en plein milieu. C'est vraiment bien fait en étant noir et blanc évidemment dans les années 60. Paul McCartney finira par dire que c'était un bon disque. Il y a donc ce clip rigolo qui est sur le net. Suite à ce hold-up, Danger Mouse est repéré par Damon Albarn, vous voyez le chanteur de Blur, jusque là ça va. Qui il engage pour produire l'album Demon Days de Gorillaz. Il y aura aussi Danger Doom avec des... Je sais là, je vous ai perdu. Oui. perdu. Mais je vais vous rattraper, puisqu'en 2006, il fait Niles Barclay, Danger Mouse et Chilo, leur premier album Saint Elsewhere et un single à succès, Crazy. Ça, vous connaissez? Ouais, c'est immense tube. Alors, la suite de l'histoire. Très bien, Jérôme Clément. Très bien. Vous avez dansé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur... Bah, je me souviens plus bien, mais en tout cas, je sais que ça m'a marqué. Ah oui, d'accord. Je vous le dirai pas. La suite de l'histoire, c'est la carrière basique d'un producteur superstar. On le retrouve avec les Red Hot, on le retrouve avec Banksy, on le retrouve avec The Good, The Bad and The Queen, le groupe de Damon Albarn, avec le bassiste des Clash, l'ancien guitariste de Verve, pionnier du Afrobeat. Qu'est-ce qu'il a chanté, Banksy? C'est pas un chanteur aussi? Non, mais ils ont fait un coup à un moment donné, ils ont échangé, ils sont bon, bref. Du sound design peut-être. Non, c'était plus drôle que ça, mais on y reviendra une autre fois. Donc, il y a 2 ans, il a produit le disque scandaleusement imposé sur iTunes de U2. Vous vous souvenez, ça c'était Songs of Innocence, c'était pas très innocent. On le retrouve avec Adele et j'en passe des Boxbusters, mais surtout il a monté son label 30th Century Records. Sa dernière sortie c'est Autolux avec Pussy's Dead, une histoire de chat cette fois. Oui, bien sûr. Pour Danger Mouse. On est bizarroïde et électronique et c'est ça que je voulais vous faire découvrir. Je suis passée par là, mais c'est chic. Ça. Et c'est Autolux. Oui, bah c'est pour que vous soyez un petit peu branchés, quoi. Mais ça, merci, il sera... on est branchés, on vient de brancher Jérôme Clément. Absolument. Il sera en concert à Paris, à la Maroquinerie, le 6 juin prochain. Voilà, ça y est. Bah voilà, Jérôme, on ira. Parce que c'est l'urgence culturelle, je vous le rappelle. Il est urgent de... C'est l'essai que vous publiez, Jérôme Clément. Hein, l'urgence culturelle chez Grasset. Lui, c'est l'urgentiste culturel. Appelé Coluccipédia. C'est Marius Colucci sur France Inter. Oui, voilà. Alors, écoutez, c'est vrai que c'est pas facile de faire une chronique sur la culture quand on invite Jérôme Clément. Mais bon, on va se débrouiller quand même. Tant pis, j'ai perdu beaucoup d'eau. Hein, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui... Je serai indulgent. Merci. Vous serez Clément ? Oui, je serai Clément. Bim, jeu de mots. Voilà. Bienvenue. Et justement, on va pouvoir parler un petit peu du pape Clément aussi. Puisqu'on va parler de santé. Michel-Ange. Alors, vous connaissez sans doute cet artiste à la fois sculpteur, architecte et peintre qui a notamment peint les fresques de la chapelle Sixtine au XVIe siècle. Donc, il fait partie du mouvement de la Renaissance. C'est le moment où les Italiens ont redécouvert en fait la Grèce antique, son art et ses philosophes. Et en fait, du coup, ils se sont dit, mais c'est pas con ce qu'ils disent. C'est pas du tout ce que nous dit le dogme de l'Église, par contre. La vérité universelle, hein, selon la chrétienté. Et du coup, les artistes et penseurs de la Renaissance ont commencé à remettre en cause un petit peu ce dogme. Notamment, Michel-Ange, par exemple, dans la chapelle Sixtine, il représente le péché originel avec Adam et Ève tout nus, lui debout et elle à genoux devant lui, sa tête en face du sexe d'Adam. Donc, il y a une certaine connotation sexuelle qui est assez étonnante, surtout pour une fresque qu'on retrouve au Vatican, quoi. Et notamment, il y a aussi un autre truc qui est un peu théologiquement un peu compliqué, c'est que c'est Adam qui cueille la pomme et pas Ève. Et c'est pas du tout la vision habituelle qu'on avait dans l'Église. Comment voulez-vous être misogyne si c'est pas Ève qui commet la faute? Ça va pas du tout cette histoire, comment on va faire? Alors à la fin de sa vie, il y est retourné, parce que ça c'était vers 1505 qu'il a fait ça, et ensuite il est retourné au Vatican, il a travaillé pour 9 souverains pontifes, donc il en a enterré quelques-uns. Et cette fois-ci, pour peindre la fresque du jugement dernier. Donc c'est pas au plafond, hein, c'est juste en face. Quand tu rentres dans la pièce, tu peux pas la rater, c'est en énorme, c'est à hauteur d'œil. C'est d'autant plus visible qu'il a mis tout le monde à poil, même Jésus. Notamment lui, par rapport à sa pensée humaniste de la Renaissance, pour montrer que l'homme, dans sa vérité naturelle, est nu face à Dieu. On voit le kiki de Jésus. Tu dis ? On voit le kiki de Jésus. On voit le kiki de Jésus. Ils ont été cachés après. Et c'est justement, ça. Il fait peur. Je savais bien, je ne me tromperais pas sur ce coup-là. Vous savez, il a écrit l'urgence culturelle, il est pressé, je réfléchis. Tout de suite, voilà. Alors, c'est sûr que quand le pape voit ça, il hallucine un peu, et il lui dit « Mickey, c'est quoi ce bordel ? Ils sont tous nus, c'est pas possible !» Je pense qu'il avait peur que de mettre des mecs à poil dans la salle où se réunissent tous les cardinaux, ça leur donne des mauvaises idées. Ça peut peut-être leur faire du bien, hein. Eh bien, à la fois sur la fresque, il n'y a pas d'enfants nus représentés, donc c'est pas sûr du tout que ce soit ça vraiment la cause. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un rapport un peu spécial entre l'Église et les homosexuels. Notamment pour un homosexuel qui veut faire une carrière politique d'importance, au moins dans l'Église, on t'oblige pas à faire un mariage bidon pour montrer ta conformité. Et aujourd'hui encore, hein, d'ailleurs, le précédent pape Benoît XVI, à Rome, on disait qu'il avait un secrétaire très particulier. Uh-huh. C'est vrai que ça peut être pratique. Hein. Bon, bref. Revenons à Michel-Ange. Comme il refusait de couvrir les corps de sa fresque, après sa mort, le pape, donc, a demandé à un de ses assistants, alors c'est Daniele da Volterra, voilà, excusez-moi, d'origine italienne, mais je ne parle pas du tout. Très loin, hein. Et Daniele da Volterra, son rôle, c'était de recouvrir, effectivement, avec des vêtements, certains, au moins les personnages principaux de la fresque, parce que bon, ça la foutait mal, quoi. Ce qui a valu à ce peintre d'être surnommé Il Barghettone, ce qui en français veut dire le culottier, le faiseur de culottes. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais quand vous dites de quelqu'un qu'il est culotté, parce qu'il a osé faire un truc qui mériterait qu'on lui remette une culotte, en fait, vous rendez hommage à Michel-Ange, un artiste bien culotté, parce qu'effectivement, la culture populaire garde en mémoire des fêtes qu'on a même oubliées, nous. Bravo. Merci. Bravo. On a pris Jérôme Clément met une note. Je vais aller dormir un peu. Ah oui. 17. Merci. Alors moi j'ignorais, j'ai appris plein de trucs. Jérôme Clément, vous n'avez rien appris parce que vous saviez tout déjà vous. Je me souvenais pas d'Il Barghettone et du nom du peintre, mais l'histoire je la connaissais. Je l'ai retrouvé pour la chronique, hein, je ne le connais pas par cœur. Merci Marius. On est ensemble jusqu'à 18h avec Jérôme Clément. On va aborder le deuxième sujet. Les Pays-Bas viennent de dire non à un accord européen, l'accord d'association avec l'Ukraine. C'est un signal de défiance de la population envers l'Union européenne. Alors comment garder confiance en l'Europe avec toutes ces crises successives ? Eh bien, peut-être en écoutant ceux qui y croient encore de façon absolument inébranlable. Regardez la puissante, l'importante bureaucratie européenne qui sait tout, les têtes d'œufs qui pullulent à Bruxelles, à Strasbourg, qui savent pour nous ce qui est bon, comment il faut l'organiser, mieux que nous qui ne sommes que des barbares, qui ne comprenons rien. Voilà quels sont ces puissants qui sont incapables de faire face au moindre problème, parce qu'ils ne sont portés par aucune volonté, par aucun objectif, sinon la dérégulation, la désorganisation de nos sociétés en vue de capter sur tous les sujets des profits. Et c'est leur unique horizon mental et humain. The Final Countdown et c'est Europe qui chante. Sur une idée originale de Guillaume Meurice qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est là par la pensée. Un jeu de mots musical. Et c'était bien sûr Mélenchon, hein, sa tirade sur les têtes d'œufs qui pullulent la brosée. Oui, non, mais c'est quand il pousse un peu la voix comme ça, des fois on ne le reconnaît pas. Voilà, alors Jérôme Clément, donc c'est un nouveau camouflé. On a demandé son avis au peuple et aux Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est quand même le noyau dur des pays fondateurs de l'Europe, parmi les 6 premiers pays à signer le traité de Rome. Est-ce que ça augmente pas encore un peu la dose de gravité et de déprime quand on atteint le noyau, on attaque le noyau dur dans le scepticisme. Ah oui, on attaque le noyau dur. Les Pays-Bas, déjà il y avait eu la Hongrie qui passe son temps à tirer sur l'Europe. Mm-hmm. Beaucoup de pays. La Pologne qui va pas très bien. Qui a remis ça avec les frères Kaczynski. Les Anglais qui hésitent et on ne sait pas trop ce qui va se passer, surtout après l'affaire Cameron de ces jours derniers. Les Hollandais maintenant, donc c'est assez dramatique. Hein. La France à Maastricht, à l'époque, le noyau dur était déjà un petit peu entaillé. Alors, Luxembourg. Ouais. Alors, une question, est-ce que si on avait commencé par construire solidement une Europe culturelle, est-ce que vous pensez, vous, que c'était peut-être le socle par lequel il aurait fallu commencer plutôt que le côté... C'est vrai qu'on a commencé avec le charbon, finalement, et l'acier, tout de suite. Je crois pas, non. Je crois pas que... Évidemment, il y a un esprit européen. Quand je dis un esprit, il y a une culture européenne, ça, on le sent tous. Quand on va à l'étranger, surtout, quand on se balade dans le monde entier, on dit « Ah oui, vous êtes européen », on nous met dans le même pot. Par exemple, de commun entre, justement, la Pologne ou la Hongrie, qui vont plus mal en ce moment? On s'est fait la guerre pendant des siècles. Ça crée des liens. On s'attache. On s'est fait la guerre, on s'est fait la paix, on s'est marié entre rois. On s'est copié dans l'art. On a fait circuler les intellectuels, les universitaires, les artistes. Ouais. On parlait tout à l'heure de Michel-Ange, mais Léonard de Vinci est venu à la cour de... Exactement, à la même époque, de François Ier, etc. Donc ces liens, ils existent. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire... Le problème de la construction européenne, c'est qu'elle est fondée évidemment sur des intérêts communs, essentiellement des intérêts économiques, industriels, militaires éventuellement. Mais l'esprit, c'est autre chose. Je ne crois pas qu'on puisse décider qu'on va faire des politiques culturelles européennes, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'en veulent pas du tout, quoi, qui n'ont aucune politique culturelle. Mais en revanche, il y a un état d'esprit européen, et c'est vrai que ça, on a trop fait de l'Europe une espèce de machine bureaucratique dans laquelle on fait des lois, des règlements, etc. Ça, c'est vrai. Et vous pensez que l'Europe, ça peut être fini comme un empire chute, qu'on est en train de vivre comme une chute d'empire? On traverse une mauvaise passe. Ces problèmes des forces centrifuges et des forces centripètes, dans les années 1990, c'était une Europe qui était en pleine expansion. On se disait, la nouvelle frontière, quoi. L'Europe, c'est notre nouvelle frontière. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien que ça cafouille de tous les côtés et ça va pas. Moi, je pense qu'il va falloir revenir à une Europe peut-être avec plusieurs cercles, on le dit souvent, un noyau dur. Alors évidemment, il faudrait qu'il y ait les Pays-Bas dedans, les Belges, les fondateurs des pays, plus l'Espagne et le Portugal. Et puis, il y aura une zone plus vaste qui aura des liens moins forts. En gros, la zone euro... peut-être même réduite, et puis... Une Europe de cercle concentrique. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais si on n'y arrive pas, c'est dramatique, parce que c'est sûr que si on n'y arrive pas, il y aura à nouveau des guerres. Ça, c'est sûr. Eh bien, vive l'Europe, malgré tout. Isabelle Sorrente, vous aussi des origines italiennes? Oui, absolument. Sicilienne, même. Ah, voilà. Très au sud. Alors, moi, je vais donc vous parler à l'heure où paradis, le mot paradis est en train de devenir une expression ironique, plus associée au rivage du Panama et aux montages fiscaux qu'au repos des âmes justes. Je vous propose donc de rester sur Terre avec un livre qui illustre vos propos, Jérôme Clément, un roman qui nous rappelle que la culture n'est pas un divertissement, mais une chose sérieuse. La culture, c'est la terre intérieure, c'est ce qui sauve de la folie et de la mort. Alors, nous allons rester en Amérique du Sud, pas au Panama, mais en Colombie, avec un livre qui nous parle de l'amour qui unit les Indiens à la nature, au fleuve Cauca, aux montagnes et à la foudre. Ce roman, il s'appelle « Bouche de cendre ». Le titre fait allusion à l'embouchure du fleuve Cauca qui traverse la Colombie, et son auteur, Alvaro Escobar Molina, est psychanalyste et spécialiste de l'enfermement. Alors, ce que Alvaro Escobar nous raconte, en fait, c'est sa propre enfance. Comment il a été enlevé avec sa petite sœur dans les années 50 par ces bandes armées qui commençaient à terrifier un pays plongé, donc, dans les dissensions et la violence. Leur mère, Louisa, donc, elle est indienne et elle va traverser la Colombie pour retrouver ses enfants. Et elle les enlève, elle les retrouve, elle les enlève un soir à l'institution où, en tant qu'indien, ils sont censés, en fait, être rééduqués pour devenir plus conformes. Des petits sauvageons. Voilà. Voilà, un peu ça. Et ensuite, elle va leur faire traverser le pays, et c'est ce que le livre raconte, donc la traversée du pays par les enfants et leur mère, qui va les amener rejoindre le reste de leur famille à Medellín. Mais avant d'y arriver, ils vont vivre bien sûr une vie faite de drames, de rencontres, d'imprévus, et surtout ils vont devoir affronter des dangers tout à fait réels et permanents. Et voilà ce qui m'a le plus frappé dans ce livre, c'est la façon dont les Indiens évitent le danger mortel. Parce que ça n'est pas comme nous, on aurait tendance à faire devant les continents de plastique dans nos océans ou devant tout ce qui nous menace par calcul et par ce qu'on appelle la gestion du risque. Non, les Indiens évitent le danger mortel par intuition. L'intuition est au cœur de la culture indienne. C'est d'autant plus frappant donc qu'il s'agit d'événements réels. Et c'est l'intuition qui fait sortir, par exemple, le frère et la sœur de l'institution où ils sont placés une nuit, alors que les autres enfants vont être attaqués et abusés par une bande armée. C'est aussi un pressentiment violent qui convainc Pedro de rester en arrière lors d'une excursion en montagne où un orage va foudroyer plusieurs personnes, puisque c'est une nature extrêmement sauvage. Donc il y a des champs électriques avec la pluie, le sol, etc. Et à la fin du livre, ce dont on se rend compte, ce dont le narrateur nous fait prendre conscience, c'est que cette intuition, elle n'a rien de magique au fond. Elle n'a rien de surnaturel, comme il pouvait l'avoir autrefois avec ses yeux d'enfant. Elle est liée à une connexion de tous les sens entre eux. Par exemple, ça va être la faculté de voir les sons ou d'imaginer leurs couleurs. Je sais, Mélanie, je vois que ça vous parle. Et cette faculté, les enfants la connaissent bien, mais la plupart d'entre nous, nous la perdons à l'âge adulte parce que justement, personne ne nous apprend à la cultiver. Donc ce qui sauve, c'est la présence d'esprit. Et voilà ce que nous raconte ce roman autobiographique, écrit par un auteur qui connaît plusieurs mondes et qui nous parle en fait de l'initiation spirituelle que peuvent représenter le deuil et la violence, parce qu'il y a évidemment des choses très dures dans ce livre. Et les magnifiques méditations qui sont enseignées par la mère indienne à ses enfants, elles nous concernent tous, et d'autant plus, je pense, les urbains que nous sommes, puisqu'on vit dans un monde où, justement, monde d'accélération, monde de temps fragmenté, monde de temps réel, où on n'a pas toujours le temps, je fais vite, sur des montagnes, des fleuves, il est encore plus vital pour nous de développer notre présence d'esprit parce que la gestion ne suffit pas pour vivre. Donc Bouche de cendre, c'est un roman en fait assez confidentiel. Prenez votre temps Isabelle, pas de problème. Il est donc publié, voilà. Il est publié aux éditions de la librairie du Labyrinthe à Amiens et vous pouvez le commander en ligne ou le trouver dans 3 librairies du 11e arrondissement. Je le dis parce qu'on ne le trouve pas du tout partout. Oui, c'est pas pour faire une pub spéciale à ces librairies, c'est pour les auditeurs qui seraient intéressés. Donc ça, le roman Bouche de cendre se trouve à la librairie La Manœuvre, la librairie Quilombo et la librairie La Friche. Et pour le reste de la France, donc sur Internet. Sur Internet, auprès des éditions de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Voilà, c'est vraiment. Et peut-être qu'après, il se retrouvera dans plus de librairies après cette chronique. Je le souhaite infiniment. Bah oui. Et vous avez le droit de faire de la pub pour des librairies. Moi, je trouve ça très bien. Eh bien, voilà. Bien sûr. C'est un acte politique et culturel parce que, comme ça, un roman pareil nous fait un petit peu oublier les continents de plastique, les paradis fiscaux et tout ce qui fait nos dangers mortels quotidiens. Merci Isabelle, et on mettra les références et les adresses des librairies sur le site internet franceinter.fr. J'ai déjà noté. Voilà, Jérôme Clément, c'est votre prochain livre, donc de chevet. Troisième sujet avec vous, le ministère de la Santé veut empêcher la diffusion des recettes pompettes de Monsieur Poulpe. Une personnalité comme Stéphane Bern, par exemple, qui est le premier invité, cuisine en picolant. Il achève son plat pompette, c'est destiné à YouTube. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'interdire, sachant qu'à la télévision, chaque jour, on nous met en garde contre les ravages de l'alcool? Paris, 11e arrondissement. Il est 23h. Romain et ses amis semblent passer une soirée à peu près normale. Pourtant, sur la table, que des alcools forts. L'ambition est claire. S'alcooliser toute la nuit, ces jeunes vont pratiquer le binge drinking, le speed drinking, le whisky jumping ou encore l'aquaplaning. Non, c'est juste une petite soirée entre potes, on boit pour le délire. Le délire, c'est comme ça que Corentin minimise son acte d'alcool défonce. Non, mais voilà, on n'abuse pas trop, on prend quelques verres juste pour le kiff. Le kiff, c'est bel et bien le mot qu'il emploie pour désigner cette drogue. Bon, arrêtez avec vos questions là, vous me saoulez. Saoulé, le mot choisi semble être un lapsus révélateur. C'est Norman des vidéos Alors, on va tout dire à l'auditeur. Avec Jérôme Clément, on boit un petit verre, parce que c'est vendredi, il est 17h52. Chin-chin. On salue Monsieur Poulpe, qui risque de se faire interdire ses recettes pompettes. Alors, je me disais, la télévision nous met quand même sans cesse en garde, avec des enquêtes, des reportages, le CSA veille à la loi Evin, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une place sur Internet pour ce genre d'expérience télévisuelle où un Stéphane Bern qui fait des recettes qui finit pompette, est-ce qu'il va influencer les jeunes qui vont s'en mettre une tamponne juste après? Jérôme Clément. L'ivresse, c'est bien. Qu'on célèbre Dionysos et tout ce que ça apporte, moi je suis pour. Hein. On peut pas. Voilà, c'est formidable. Si les précautions sont prises, s'il raccompagne l'invité. Oui, après, c'est un peu d'ailleurs le propos aussi de ce que j'écris dans mon bouquin, c'est que la récupération commerciale par un site comme YouTube, ça, moi je trouve. Non, c'est pas bien. Il faut le diffuser bien, sur quoi alors? Or, en fait. Parce que sur la télé, on peut pas, loi Evin. Non, c'est vrai. Mais sur YouTube, on voit bien aussi qu'ils le font pour contourner les règles du CSA, pour contourner toutes les règles qui existent, etc. Donc, je trouve pas ça terrible, mais on peut pas. Il faut trouver, il faut le faire, mais peut-être pas non plus en faire une apologie excessive. Très rapidement, est-ce qu'on peut pas aimer quelqu'un qui est malade de l'alcool, comme on a pu aimer un Gainsbourg ou gens très très importants comme ça dans notre culture, qui étaient des gens malades de l'alcool, mais qu'on a tout de même, qui ont été importants pour nous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut plus, aimer ces gens-là. On est obligé de les cacher. C'est étonnant. Je suis d'accord avec vous. Et Houellebecq. Je trouve qu'il y a trop d'interdictions. Donc je suis absolument d'accord avec vous. Il faut être libre, quoi. C'est vrai, quoi. Moi, déjà qu'on puisse plus fumer n'importe où, je trouve ça un peu choquant. Enfin, je vais vous heurter en disant ça, Pas du tout. Votre santé chez vous. On boit un coup, d'accord. À votre époque d'Arte, vous aviez eu ce projet de saouler des philosophes au schnapps pour en faire une émission de télé. Ça n'avait pas pris. Bon, écoutez, on verra si elle reste de pompette. En tout cas, si elles sont là, nous, on va les regarder. Écoutez, je lance des projets. Allez, lui, il est fromette. Ah, il est là. Il est au fond du studio. Il est avec sa guitare. Il est au fond du trou aussi, mais ça, les auditeurs le savent. Il est bourré. Frédéric Fromette, de quoi allez-vous nous chanter cette semaine? De quoi allez-vous nous chanter, vous? Bourré aussi, toi. Je l'ai écrit en plus. De quoi allez-vous nous chanter? Je trouve ça beau. Voilà, pour bien terminer la semaine, je vous propose un petit peu d'évasion. Ah. Fuite, fini les impôts. Fini les impôts. Fuite, paradis fiscaux. Coucou, paradis fiscaux. Contribution à la solidarité. Non. À l'enseignement, à la justice, à la santé. Non. À quoi bon prendre part à la société? N'importe quoi, hormis à ma société offshore installée au Panama. Fuite. Fini les impôts. Ouh, fini les impôts. Fuite. De mes capitaux. De mes capitaux. Au Panama ou aux Seychelles. Oui. Aux Bahamas ou dans les îles Vierges. Oui. Partout où il y a des cocotiers et du sable blanc, je ne suis rien de plus qu'un exilé, un simple migrant. Fuite. Fini les impôts. Fini les impôts. Fuite. Avec mon magot. Avec mon magot. Dans la vie, il faut savoir s'évader. Évasion fiscale. Dans la vie, il faut avoir un bon banquier. Société générale. Dans la vie, il faut dire optimiser plutôt que frauder. Dans la vie, faut pas se laisser emmerder par Élise Lucet. Fuite. Fini les impôts. Fini les impôts. Fuite. Loin des tribunaux. Loin des tribunaux. L'idéal, c'est de faire des montages auxquels on pige que dalle. Des sociétés écrans, de l'enfumage, comme au Front National. Quand on voyage pour planquer ses finances et que c'est un micmac, est-ce que c'est ça qu'on appelle les vacances? Les vacances d'opaque. Fuite. Bonjour le jeu de mots. Bonjour le jeu de mots. Fuite. Fini les impôts. Fini les impôts. Même pas peur d'aller en prison. Je ne risque rien. La tôle, c'est pour ceux qui n'ont pas de pognon. Moi j'en ai plein. Même pas peur et vous allez voir que je suis marrant. Même pas peur de la liste noire. Du blanchiment. Fuite. Fini les impôts. Fini les impôts. Fuite. Paradis fiscaux. Coucou. Paradis fiscaux. Merci. Eric Fromet. Merci beaucoup. Merci pour ce fouit-fouit. J'ai oublié de vous dire que Guillaume Meurice, samedi soir, joue à la frontière du Luxembourg. Oh, allez voir sur son site où il se trouve. Mais à la salle Jean Ferrat, donc oui, à l'espace Jean Ferrat, ça va être préservé. Merci Jérôme Clément. Merci à vous. D'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle. Merci pour le coup de rouge. Oh, mais de rien. Et tchin-tchin, on va terminer santé, la bouteille, il n'y a pas de raison. Hein. À la santé de Stéphane Bern, qui n'a pas pu. L'urgence culturelle, publié chez Grasset. Je rappelle que c'est l'essai que vous venez de publier. Merci à tous autour de cette table. Merci Mélanie Boer, Isabelle Sorrente, merci Fayot, Alex Bizarac, merci Marius Colucci et Frédéric Fromet. Eh bien, on va se retrouver lundi avec le dessinateur Aurel. Merci à toute notre équipe d'avoir préparé cette émission. Et voici le mot de la fin que on va laisser aux amoureux du Panama. Allez. Ça sent la fraude fiscale. À quoi tu sens ça? L'épaisseur de la moquette.